Ah la la la la la la, ça même nous t'sipons la musique. Ah la la la la la la, ça même nous déco folklorique. Ah la la la la la la, ça même nous t'langas rayonné. Ah la la la la la la, nous préfère ces gars. Couler notre nation. Depuis moi t'es tout petit, moi la toujours dans la musique. Moi la vie ça donne sang, c'est gal était mon préféré. Ça te sonne souvent dans nos oreilles comme elle était seule. C'est la musique de mon pays, c'est gal couler notre nation. L'élevé, l'élevé sous la mélao. L'élevé calitan, c'est gal et besoin d'en ça. Sole koayo, itone quand les temps se gagne besoin vous ça. L'élevé, l'élevé sous la mélao. L'élevé quand les temps se gagne besoin dans ça. L'itone, tone, tone, l'itone sole koayo. L'itone quand les temps se gagne besoin vous ça. Les temps.